Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Et oui, mes chers amis, il est des triomphes silencieuses et immobiles qui font les secousses des âmes sensibles et déchaînées dans leurs ressentis. L'armée des romantiques, pour paraphraser Gautier qui écrivait l'histoire du romantisme et la publiant en 1873, est une association libre formée aux alentours de 1830 par un petit grand groupe gravitant autour du grand Victor Hugo, qui ne va pas tarder d'ailleurs, sous les traits de Quasimodo, à faire sonner les cloches de Notre-Dame. Dumas, Balzac et Hugo se tutoient dans un monde esquissé qui nous tient par la main et nous plonge dans ces années de pures ivresses. Mais comment les évoquer fidèlement sans parler alors de ces autres moins connus et dont il faut pouvoir se souvenir? Ces Petrus Borel, poète, Jehan du Seigneur, sculpteur, Napoléon Thom, Gérard de Nerval et bien d'autres, ces enfants du romantisme. Voilà une digne appellation qui me saisit tout à fait. Cheminant entre le grand, le monumental Hugo et l'empanaché inquiet, qui est Edmond Rostand, qui me connaît, c'est mon amour sans borne du romantisme, que je porte à la finesse mal faite de mes moustaches moins fines que celles d'Edmond, sur sa photographie pour l'Académie. Vantard, va. Rostand, que je cherche à faire entrer comme l'un de ces enfants du romantisme que les vents d'Allemagne nous rapportaient avec la digne Germaine de Stahl. Il nous faut savamment explorer le romantisme dans ses intimités les plus pures, mais on sait également le placer dans cette course du temps et du monde qui ne fait qu'accélérer nos existences insaisissables. On illustre le courant d'art et de pensée entre les premières insurrections de 1830, laissant un peu à regret le Lamartine introspectif et les chaise de François-René de Chateaubriand. Les inventions également technologiques qui fascinent Jules Verne. Le cénacle de 1830, c'est aussi l'impassible marche de la modernité qui crèvera bientôt Baudelaire et qui, du même temps, le fascinera. On voit les jeunes Hugo portés par de plus jeunes Borel, Gautier et Nerval claquer la jeunesse des drapeaux de l'insurrection et de la liberté salvatrice, se laisser assombrir le haut du crâne par l'âge qui vient avec les ciseaux, la sagesse. Comment accoucher dignement d'un Quasimodo alors que ne vienne lui prendre la main Cosette? Non, décidément, mes chers amis, il est des trésors qu'on ne soupçonne pas. Le cénacle de 1830, c'est aussi la vigueur des gilets rouges. Pas jaune, cette fois-ci rouge, porté par ceux qui venaient défendre Hugo lors de sa première de la pièce Hernani, justement en 1830, et qui était vivement critiqué à cette époque par les classiques pour le non-respect des règles essentielles de la métrique poétique. Hugo affirme dans la préface d'une pièce nommée Cromwell, c'est un peu, mes chers amis, le manifeste hugolien en matière de théâtre, et même le manifeste romantique en matière de théâtre, justement que le drame romantique doit refléter la dualité de l'homme et de la société, marquée évidemment par le christianisme et les contradictions de l'époque. Il rejette évidemment les trois unités du théâtre, du théâtre classique, le temps, le lieu, l'action. Hugo les juge artificielles et restrictives. Pour lui, le drame doit mêler le sublime et le grotesque, car la vie elle-même est un mélange de grandeur et de trivialité. La pièce Hernani sera jouée au Théâtre Français, et l'on sait que la pièce divisera. Alors, très vite, littéralement, une armée de romantiques vient en aide à Hugo pour défendre leurs préceptes face aux anciennes générations de penseurs. On emprunta cette armée recrutée ça et là aux ateliers de peinture et de sculpture auprès de leurs étudiants auxquels s'associèrent de jeunes littérateurs et d'autres jeunes musiciens. On les reconnaît aisément, cette armée romantique, on la reconnaît aisément, costumes excentriques, évidemment, chevelures déstructurées, et c'est de cet ensemble là qu'émergeront d'ailleurs des noms tels que Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Hector Berlioz, Petrus Borel, etc. Je vous en ai déjà parlé. Tout cela était favorable à Hugo, soit pour avoir adhéré aux thèses de la préface de Cromwell, soit parce qu'il s'agissait d'un auteur qui était en butte à la censure du gouvernement. Et il faut dire que ces jeunes révolutionnaires s'opposaient justement à un gouvernement gérontocratique composé d'anciens émigrés revenus d'exil, puisque on sait que le début du 19e siècle en matière de politique est un gruyère sans nom. Et d'ailleurs, la pièce d'Hernani s'en souviendra, c'est un vieillard qui condamnait à mort de jeunes époux. Mais laissons-nous bercer une nouvelle fois, mes chers amis, par une petite pause musicale qui saura nous ravir les sens et évidemment nous captiver l'esprit. retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. La génération de 1830 s'était incarnée dans des figures magistralement révolutionnaires, donc face à un système gérontocrate décadent. Cherchez-vous là encore, mes chers amis, une parfaite contemporanéité du cénacle de 1830? Pire, quand ils ne sont pas vieux, ils exagèrent. Bref, c'est en 1829 que commence le petit cénacle de Victor Hugo. Autour de lui se réunissent Philothée Onédi, Napoléon Thom, Auguste Maquet, connu pour avoir été d'ailleurs l'assistant plume de Dumas, hein. Quelques temps plus tard, et d'autres Nerval et Gautier, on l'a dit et répété maintes et maintes fois. Jehan du Seigneur, sculpteur, Joseph Bouchardi, dramaturge et graveur, et Alphonse Brault, évidemment, écrivain. Que des noms, chers auditeurs, passés à la trappe d'une histoire qui aime sélectionner les porte-monnaies et qui se plaît vénal à être rédigée par ceux qui les ont pleins. Tant de petites vieilles âmes qui se tutoient dans une chaude ambiance d'effervescence amicale et littéraire. Nous citions tantôt l'histoire du romantisme de Gautier, et cet ouvrage de Théophile Gautier est à la fois un témoignage personnel, une galerie de portraits et une épopée collective. Rédigé vers la fin de sa vie, ce texte inachevé retrace l'aventure du mouvement romantique à travers les yeux de l'un de ses acteurs majeurs. Gautier décrit évidemment le romantisme comme une explosion de créativité, une sève de vie nouvelle, dit-il, qui circule impétueusement, comparable à la Renaissance, hein, ou alors à ces années du début du XVIIe siècle, où des écrivains libres revendiquaient leur indépendance, comme des noms comme Chapelle ou encore Savinien, Cyrano de Bergerac. Il insiste donc, ce brave Gautier, sur l'énergie collective et la jeunesse de ceux qui, autour de Hugo, ont défendu le nouveau style contre les classiques. Il évoque avec nostalgie et humour les réunions du Petit Cénacle, ce cercle d'artistes et d'écrivains qui se retrouvaient pour discuter, créer et parfois simplement manger grâce à un cuisinier qui s'appelait Graziano. L'ouvrage est aussi une galerie de portraits mêlant admiration et ironie. Gautier y dépeint ses contemporains, que je vous ai déjà cités, avec un mélange de tendresse et de lucidité, montrant comment chacun a finalement contribué à l'aventure romantique. Il n'hésite pas à souligner les paradoxes, comme celui d'ailleurs de son propre parcours. Fidèle au romantisme, lui, ce brave Gautier, qui a aussi défendu l'art pour l'art, doctrine qui s'oppose en partie à l'engagement lyrique. Écrite avec le recul des années, cette histoire est quand même, il faut le dire, teinté de mélancolie et un petit peu de nostalgie. Gautier, sentant évidemment sa fin proche, y exprime le sentiment d'appartenir à une époque révolue. « Il me semble, dit-il, que je ne suis plus contemporain. J'ai le sentiment d'être déjà mort. » Pourtant, il faut avouer que son récit reste vibrant, presque épique, et continue à forger la légende du romantisme. Alors, c'est vrai, mes chers amis, on peut se demander pourquoi encore lire Gautier aujourd'hui, encore lire Nerval, Borel, Hugo, aujourd'hui, lorsque le monde est à l'empressement, au prix de l'essence, et hélas, à d'autres guerres pires que celles qui germaient dans les théâtres à cette époque-là. Eh bien, c'est parce que moi-même, qui souvent me décrit comme une âme chapeautée, je me trouve en décalage. Comme Gautier, finalement, dans son récit. J'ai l'impression d'être l'enfant d'une époque qui n'a plus cours, d'être le maestro d'une musique qu'on n'aime plus entendre. Valeur incarnée et panache accompli. Voilà pourquoi l'armée des romantiques, voilà pourquoi 1830, et même peut-être aussi le groupe d'écrivains du début du XVIIe dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà aussi pourquoi Rostand, que je souhaite mêler aux romantiques. Et même s'il y a derrière tous ces récits, il faut l'avouer, forcément beaucoup de fantasmes, beaucoup de bricolés, beaucoup de légendes, il y a là, dans cette voix qui vous parle, un représentant d'une époque où le rêve est encore de mise. Et doucement, on se rassure, derrière Balzac, il y a Flaubert, derrière Delacroix, il y a Baudelaire. Les continuateurs continuent, les peintres peignent, les écrivains écrivent, Sand embrasse Musset, puis Chopin. Verne revisite 5 semaines en ballon et la vie continue, et sans doute cette inénarrable marche du temps que l'on a voulu figer lorsque j'ai composé cette chronique se pourra enfin s'incarner. C'est voir une illustration fantasmée d'une France qui vivifiait un rêve, celui d'une liberté increvable que l'on croit pouvoir encore nous arracher contre une tempête de mensonges. Mais quelles que soient nos visions, il y a toujours en moi une certitude. Rothschild. Tant qu'il y en aura qui y croiront toujours, le monde ne s'ajouera pas, et il faut le dire, devant les vendeurs de guerre, devant les vendeurs de songes maudits. Il y a des horizons, mes chers amis, qui ne sont pas dirigés par la puissance de l'argent. Des horizons qui ne demandent qu'à être ressuscités, si tant est qu'ils soient morts. Juste un rire, une belle larme ou un espoir suffirait sans qu'on y prenne garde hein, pour faire taire encore plus la vigueur d'une mitraillette. Et donc, je le redis, voilà pourquoi 1620, voilà pourquoi le romantisme et voilà pourquoi Rostand. Et c'est ainsi, mes chers amis, que se conclut cette pastille poétique, passionnée et, il faut le dire, un petit peu engagée, mais tant mieux. Je vous retrouve donc le mois prochain. Prenez soin de vous, je vous embrasse.